Les rencontres internationales du documentaire de Montréal à Québec présentent Ruse ou traité et Vice caché. Aussi, à ne pas manquer au Musée de la civilisation, Deux jours, une nuit, les 2014 Lions de Cannes, les aventuriers voyageurs présentent Corse. Rendez-vous au clap.ca pour obtenir le synopsis, les bandes annonces et l'horaire complet des films. Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs. Et bienvenue à l'émission Terra Incognita. Vous êtes en compagnie ce soir de Bruno Côté à la mise en onde et Marc Chaunet au choix musical et à l'animation. Alors, c'est un rendez-vous, hein, je pense, pour tous ceux qui sont là. Et c'est ceux qui s'y joignent pour la première fois. On a deux heures de bon rock progressif à vous proposer. Des nouveautés, alors des disques récents parus en 2014, en 2015, et il y en a peut-être un là, paru en 2013, mais c'est surtout donc des nouveautés, des groupes qu'on aime vous faire découvrir, qui sont rares, et on parle aussi d'événements de spectacles dans le monde de la musique, et dont le spectacle qui a été annoncé de la convention Terra Incognita, évidemment, la 11e convention. On est chanceux de l'avoir. On a Annick Dutton de la Suède qui sera là. C'est donc le 16 mai. On aura une pièce d'Annick Dutton, d'ailleurs, qui est tirée d'une compilation qu'ils ont réalisée, Chapters, c'est ce qui sont plus récents actuellement, où il y a des pièces qu'ils ont, des démos qui sont inédits, qu'ils ont rééditées sur ça, donc remixées. On aura une pièce intitulée 30 Pieces, qui était sur le plus récent album A Time of Day, paru en 2007 d'Annick Dutton. Annick Dutton a travaillé sur un nouvel album. Ils viendront nous le présenter à Québec. Alors, on écoutera 30 Pieces tiré de cet album, qui est en version démo, donc, sur Chapters. On aura également la nouveauté pour ce soir. C'est Frank Carducci. Frank Carducci, il est installé aux Pays-Bas depuis quelques années, mais origine de la France. Et c'est son second album, Torn Apart. Il nous avait fait parvenir en décembre un premier extrait, en fait, un extrait de la pièce Torn Apart. Et puis là, ben, on a l'album. Donc, c'est paru début 2015, ça fait deux semaines. Frank Carducci, donc, et sa pièce Torn Apart, qu'on écoutera en intégrale ce soir. Mais pour débuter l'émission, on va vous parler de Excel 3 et de Denis Barry, si vous n'étiez pas au courant. Denis Barry est un animateur ici à CKRL de l'Opinaire du Chef et de d'autres émissions au début. Là, ça a débuté en 85 et il est décédé cette semaine, mardi cette semaine, des suites d'un cancer. Et il avait réalisé avec ses acolytes le trio XL3. On en a fait jouer plusieurs fois à l'émission. Denis est un chic type qui m'avait laissé une copie de son album. J'ai beaucoup aimé, on s'en était parlé. On aura la pièce Yuri, et c'est une pièce qu'il représente bien. D'ailleurs, étant donné son décès, il a réalisé avec son fils Antoine un album double de toutes les pièces qu'il avait de côté, et dont même une nouvelle composition. Et vous pourrez demain, à partir de midi jusqu'à 4 heures, au vieux bureau de poste de Saint-Romuald, vous procurer l'album et aller je pense rendre un dernier hommage, peut-être pas un dernier, un hommage à Denis Barry. Moi, j'écoutais Denis Barry depuis plusieurs années à CKRL, c'est une inspiration pour moi. Alors, on ira de cette pièce tirée de l'album « Est-ce que tout vous apparaît normal ?» de XL3 et la pièce « Yuri ». Chers amis, proches et inconnus, mes compatriotes, hommes du monde entier, Dans quelques instants, un puissant navire m'emportera à travers les espaces cosmiques. Puis-je vous dire en ces dernières minutes, ma vie tout entière me semble en ce moment un instant merveilleux. Comprenez combien il est difficile d'exprimer ces sentiments quand l'heure de l'épreuve est si proche. Cette heure à laquelle nous sommes préparés longuement et avec enthousiasme. Comment dire ce que j'ai éprouvé quand on m'a proposé d'accomplir ce vol, le premier dans l'histoire? Était-ce de la joie? Non, ce n'était pas seulement de la joie. De la fierté? Non, ce n'était pas seulement de la fierté. J'éprouvais un grand bonheur. Être le premier dans l'espace. Peut-on rêver quelque chose de plus grand? Mais ensuite, j'ai pensé à mon immense responsabilité. Accomplir le premier, ce à quoi ont rêvé des générations. Frayer la route à l'humanité vers l'espace. Connaissez-vous une tâche plus difficile? Ce n'est pas une responsabilité devant un seul homme. C'est une responsabilité devant notre peuple, devant l'humanité tout entière. Il ne reste que quelques minutes avant mon départ. Je vous dis au revoir, camarades. Comme se le disent les hommes quand ils partent pour un long voyage. Je voudrais vous serrer dans mes bras, amis connus et inconnus, proches et lointains. Radio check and verify TV circuit breaker in. Roger, TV circuit breaker's in. And base 5 clear. Roger. And we're getting a picture on the TV. Hope you had a good picture, huh? There's a great deal of contrast in it, and currently it's upside down on our monitor, but we can make out a fair amount of detail. Okay, we can verify the position the opening I ought to have on the camera. Stand by. Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now. Okay, I just checked, getting back up to that first step, it's collapsed too far, but it's adequate to get back up. Actually, down here, pretty good total count. Okay. land now. Step off the land now.

va nous annoncer ça dans les prochaines semaines. Et le lendemain, il y a Kaipa, également de la Suède, Kaipa de Capo, puisque c'est le retour de Kaipa, les premiers Kaipa, les trois premiers réalisés dans les années 70, pardon. Et un nouvel album, d'ailleurs, la même chose pour Anecdoten. Ils vont venir nous présenter un nouvel album. Également, donc, le 17 mai, Il Castello di Atlante, qui est un de mes préférés italiens depuis le début des années 90. Là. En fait, eux, ils roulent depuis les années 70, puis ça les aura pris peut-être 20 ans à réaliser leur premier album. Mais c'est excellent, ils sont vraiment bons. Moi, je les adore. Et également Frog Café des États-Unis, un autre groupe qu'on pourra voir le 17 mai dans le cadre de la convention Terra Incognita. Les groupes qui s'en viennent aussi, IQ, le 10 avril à l'Impérial, les billets étaient en vente à partir de vendredi cette semaine, donc c'est en vente. Pour IQ, je pense que c'est un show, le seul show au Québec. Pour The Road of Bones, leur nouvel album, donc la tournée de promotion. Il y a également The Neil Morse Band avec Mike Portnoy le 26 février à l'Impérial également. Les billets sont en vente. Et il y a pas mal de shows qui se placent là, dans l'agenda. On y va en musique. Prochain bloc avec. C'est une nouveauté que je vous ai présentée à la dernière émission. Solaris, c'est un groupe de la Hongrie et en fait ils ont réalisé un premier album en 1984 intitulé Mars Belli Chronicac 1 et ils ont une suite ça, en 2014 avec le 2. On écoutera donc deux pièces de cet album-là. Ensuite on fait un saut en Italie avec le groupe Greenwall. C'est un groupe qui roule depuis un certain temps mais qui se fait plutôt qui se fait rare sur disque. Et ils ont réalisé un album, c'est un genre d'album concept qui n'est pas que du progressif, mais il y a un paquet de styles dans ça. C'est un Various and Eclectic Journey. Alors, ça dit bien le titre. Là. C'est Zappa, Zippa, Zuppa, Zeppa. Et on ira avec une des très belles pièces qui conclut cet album, Il Petalo del Fiore, en trois parties. C'est une longue pièce qui fait un résumé de tout l'album. Très, très, très bon. Pour cette pièce-là, il y a des pièces qui sont... Il faut être très ouvert d'esprit quand même, mais il n'y a pas que du rock progressif dans cet album-là. Et si on a le temps aussi, le groupe de Montréal, Carnivor, c'est un quatuor, des jeunes qui font une musique instrumentale super intéressante, un extrait de Post Sauce. Et la pièce Soyuz, ça fera un petit clin d'œil là, à Denis Barry avec Yuri. On a Soyuz, on reste dans le concept. Mais donc, on y va tout de suite en musique avec le groupe Solaris. We'll be right back. facile per i bambini prendere un'identità tra i loro fantasmagorici eroi di carta pesta. E com'è facile ora che non soffriamo più seguire solo i nostri istinti. Venne così da solo il mio fiore, mi osservò e scomparve o me lo celarono. E così si presenta a tutti. Raccogli ciò che sei prima che tu sia maschera, quel ritratto che odi e non cessi di essere, seppure fossi l'eroe di cartapesta di un bambino. Forse ne gioirei, sentirei su di me la responsabilità del pianto di un innocente, delle sue voglie, delle sue domande. Forse così vivrei davvero eroe, scegliendo quell'identità che dà la vita, che si identifica fondendosi col tutto. Dai, giochiamo! Thank you. Non so se mi muovo per legge mia o per legge del cielo. Chiuso in indicibili silenzi non potrò mai trovare comunione se non esiste una sola creatura che obbedisca ad una legge sua. Cosa voglio da me stesso che non ho una vita, mi disgreghi in tante particelle, mi messo le elementi. Non sono mai esisto allora che io muoia. Tutti gli scopi se li scelgo. Italien Greenwald, tiré de leur plus récent album Zappa, Zippa, Zuppa, Zeppa. C'était précédé de Solaris. Alors, petite précision concernant le spectacle de IQ Québec, c'est le 11 avril à l'Impérial de Québec. J'ai dit 10 avril tantôt, c'était une erreur. Merci à France qui a téléphoné pour me l'indiquer. Alors, à l'Impérial, les billets sont en vente et c'est à ne pas manquer. Alors, on s'en va à la pause. Et au retour, encore de la bonne musique, on a un extrait de Decameron, de 10 Days in 100 Novellas Part 2, et avec Willow Glass et autre chose. On va à la pause, puis je vous en reparle au retour. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Hi. Bière bouteille, 8 bières en fût, 10 bières bouteilles, 8 bières en fût. Un service casque et un Randall. La Barberie vous propose les bières et tapas, les bières fromage, les dimanches stout et les mardis apportez vos vinyles et plus encore et encore plus. La Barberie, 310 rue Saint-Roch, suivez-nous sur Facebook. Au cœur du Vieux-Port, à quelques minutes du centre-ville, vous trouverez la boutique Écoauthentique. Il y a chez Écoauthentique un vaste choix de produits faits de matières recyclées, renouvelables, biologiques et équitables. Bref, des produits qui respectent la nature et les gens. Nous vous offrons également la plus grande sélection de produits du chanvre industriel à Québec. Venez nous rencontrer au 160 rue Saint-Paul et pour en savoir plus, écoauthentique.com. Chaque mardi et vendredi, CKRL vous propose des émissions variées axées sur le blues, le métal et plusieurs autres styles, tout comme les soirées du Bal du Lézard. Le Bal du Lézard, c'est des spéciaux sur les bières importées et des microbrasseries québécoises, les étonnants 5 à 7 sur les bières canadiennes et le vin, le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue à Limoilou, lebaldulézard.com. Et c'est ainsi qu'un soir d'il y a 45 ans est née la radio, en effet. Et depuis ce soir-là, un immense dialogue ne devait plus cesser de recouvrir la Terre. Un nouvel âge était né. Il y avait suffi de quelques pionniers. Vous écoutez CKRL. Et l'émission Terra Incognita. Alors, on y va pour un prochain bloc où j'ai pour vous un extrait de l'album, le premier disque d'un groupe de la Biélorussie, Belarus en anglais. C'est le groupe The Worm Ouroboros qui ont fait paraître leur premier album l'an dernier intitulé Of Things That Never Were. Et là, j'aime beaucoup, c'est sur Art Rock, l'étiquette, et c'est un peu Canterbury. Là, la pièce que j'ai choisie pour vous est peut-être un peu moins dans ce style-là, puisque... elle a vraiment son côté particulier là, qui est moins représentatif de l'album, mais c'est un album qui s'écoute en tout cas moi j'aime toutes les pièces sur ça, je trouve qu'il y a une belle ambiance, puis souvent ces groupes étrangers là ils ont une atmosphère là, qui nous est étrangère puis qui nous est aussi qui est intéressante parce que c'est différent. Alors ça sera la pièce The Pear-Shaped Man, c'est ça, donc de Worm Ouroboros. Avant ça, on a le groupe américain de Psychedelic Ensemble, et c'est leur quatrième album, The Tale of the Golden King, également un album paru en 2013, qui est dans les compilations, là, qui est pas mal en haut là, pour les choix là, des gens qui votent pour ça. Et c'est vrai que c'est vraiment un disque intéressant qui s'écoute là, vraiment bien du début à la fin, un beau concept. On ira avec la pièce Final Arise, The Great Kingdom. Mais pour débuter, un extrait donc de Decameron, 10 Days in 100 Novellas Part 2, avec Willow Glass. Willow Glass, c'est Andrew Marshall qui fait la guitare, les claviers, la basse, bass pedal. Il est accompagné sur ça de Stephen Rue au flûte et violon, et également d'un un batteur, Hans-Jörg Schmidt. Alors ça, c'est une excellente pièce intitulée de Salvestra Tear de Willow Glass. Thank you.

and their freedom played like a song without an end. And the stars and the sun shed a golden light, while the truth rings out through the night. sing, tell of our great land. The Worm Ouroboros, tiré de leur album, leur premier disque, Of Things That Never Were. C'était la pièce de Pear Shaped Man. Alors, comme vous avez vu, c'est dynamique, c'est bon. En tout cas, moi, j'adore cet album-là. Là, je me suis procuré, ça fait pas longtemps, sous recommandation d'amis. Et là, vraiment, là, je l'écoute souvent. Puis, plus je l'écoute, plus je l'aime. Très, très bon album. Juste avant, un autre album aussi... Qui m'a surpris, de Psychedelic Ensemble, tiré de The Tale of the Golden King. Alors, c'est leur quatrième album. C'est un groupe américain, donc leur premier était paru en 2009. Alors, un groupe, franchement, qui vaut la peine d'être découvert. Alors, on poursuit après la pause, bien sûr, on a une pause en quelques instants, avec un deuxième extrait de Decameron Part 2. Et cette fois-ci, c'est un groupe italien, un groupe que je découvre grâce à cette compilation-là, le groupe Intarsia, et ce sera la pièce Cuore Strappato, ou le cœur Ripped at Heart. Le cœur qui a été volé, voilà, le cœur volé. Donc c'est super intéressant, de Cameron Part 2, c'est quatre albums, comme le Part 1 d'ailleurs. C'est les projets de la maison Colossus en collaboration avec Musea. On ira avec ce groupe-là. On aura également Yuka et Chronoship, c'est du Japon. C'est vraiment ça aussi, Oxygène, j'ai connu ça grâce à la compilation Progressiste. Et c'est leur album, leur plus récent, Dino Rocket Oxygen. On aura un extrait de la grande pièce Dinosaur. En fait, il y a trois grandes pièces sur ça. C'est divisé en 11 parties. On aura deux parties donc de Dinosaur, Dance with Dinosaur and Ruler of the Heart. Au retour de la pause, c'est donc Terra Incognita. Alors, on y va et on revient tout de suite avec la bonne musique de Intarsia.

senza. Voglio solo morire per l'odio che strappò il suo cuore, la sua anima, ha il sapore della fine. Lasciami, lasciami, cosa la quale dietro a lei era, indietro e senza altra deliberazione si lasciò cadere. La finestra era molto alta da terra, perché come la donna cadde, non solamente morì, ma quasi tutta si disfece. Voglio solo morire, solo morire. mi, lasciami. Cosa ho mangiato il malvagio? Si è impossessato. Lasciami, lasciami. Cosa ho mangiato il malvagio? Si è impossessato. We'll be right back.